بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. C'est donc notre deuxième assise tout autour de cette risala de son éminence Cheikh Abd Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, intitulé les cours importants pour le commun de la communauté. Et là, on va prendre le deuxième cours dans la risala. Le premier cours, il concerne l'interprétation du Coran et les sourates qu'il a cité cher. Le deuxième cours concerne les piliers de l'islam. Cheikh l'islam, Mujaddid al-Asr, l'imam al-Humam ibn Baz, rahimahullah, il a dit, rahmatullah alayh, dans le passage, Bayan arkan l'islam, l'khamsa wa awwaluha wa a'zamuha shahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan, رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Et donc l'introduction de ce premier cours, il dit رحمه الله تعالى, il faut donner l'éclaircissement, c'est quoi les piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam. Et le premier, le plus important, l'attestation qui nous dit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, en expliquant sa signification, en éclairant, en expliquant aussi les conditions de la ilaha illallah et ce que ça veut dire, la ilaha, la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah et le fait de confirmer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui faire d'associer. يقول وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد كلها. Il dit, حفظه الله تعالى, dans l'introduction du deuxième cours, et les conditions de la ilaha illallah sont la science qui est le contraire, qui annonce et qui anéantit l'ignorance, et la certitude qui est le contraire du doute, et la sincérité qui est le contraire de l'associationnisme, et la véracité qui est le contraire du mensonge, et l'amour qui est le contraire de la haine et de la détestation, et le fait de se conditionner pour la ilaha illallah et pour ses obligations qui est le contraire du délaissement des obligations de la ilaha illallah, et l'acceptation de la ilaha illallah, de ses obligations, qui est le contraire du rejet et le fait de mécroire en ce qui s'adore en dehors d'Allah. Ils sont réunis dans un poème en deux vers. Et يقول مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله. يقول il dit en éclairant aussi sur ce que ça veut dire l'attestation Muhammad est le messager d'Allah, ses obligations, le fait de prendre comme véridique ce qu'il nous a annoncé, de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné et d'éviter tout ce qui nous a interdit, s'éloigner de tout ce qui nous a interdit et toutes les choses sur lesquelles il nous a fait un avertissement. Et qu'Allah ne doit être adoré qu'avec ce qu'il a légiféré. Avec ce qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam. يقول ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Il dit après il faut éclairer aux demandeurs de la science les autres piliers de l'islam qui sont la prière, la zakat, le fait de jeûner le mois de Ramadan, le fait de faire le pèlerinage vers les lieux sacrés de l'islam pour celui qui peut. Et nous avons vu la signification de la ilaha illallah et ses piliers et ses conditions. Et là, voir un petit peu la place de la ilaha illallah dans les paroles des hommes de science. Par exemple, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad, il dit cette parole que prononcent les musulmans dans leur adhan, dans leur iqama, dans leur exhortation, dans leur khotab, dans leur conversation, c'est la parole sur laquelle, pour laquelle a été accompli, créé les cieux et la terre. Et c'est pour cette parole qu'a été créée toutes les créatures. Et c'est avec cette parole qu'ont été envoyés les messagers d'Allah, alayhi salam. Et c'est pour cette parole qu'ont été descendus les livres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, a légiféré des législations. Et c'est pour cette parole qu'il va y avoir les balances pour poser les actes. Et c'est pour cette parole qu'on va être, poser les manuscrits des œuvres de l'être humain. Et c'est pour cette parole qu'il va y avoir le marché du paradis de l'enfer, c'est-à-dire qu'il y aura le paradis et l'enfer. Et c'est par cette parole que la communauté, que les humains, et les génies sont divisés en mécréants et en croyants. C'est l'origine de la création et de l'ordre et de la récompense et du châtiment. Tout découle de la ilaha illallah. Et c'est la vérité pour laquelle a été créée toutes les créatures. Et pour les obligations de la ilaha illallah et pour les droits de la ilaha illallah, il va y avoir des questions et les comptes. Et c'est pour la ilaha illallah et ses obligations qu'il va y avoir la récompense et le châtiment. Et c'est pour la ilaha illallah qu'a été faite la qibla, l'orientation de la prière. Et c'est pour la ilaha illallah, et c'est sur la ilaha illallah qu'a été fondue la voix. La voix que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et c'est pour la ilaha illallah que les armes sont sorties, que les épées sont sorties de leur fourreau. Et c'est le droit d'Allah sur tous ses serviteurs. C'est la parole de l'islam. C'est la clé du paradis. C'est pour la ilaha illallah. Les questions seront posées au premier et au dernier sur la ilaha illallah. Et chaque serviteur ne va pas, ne se déplacera pas de devant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il lui soit posé ces deux questions. Qu'est-ce que vous adoriez et qu'est-ce que vous avez répondu au messager? La réponse est dans l'accomplissement de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La réponse de la première, c'est l'accomplissement de la ilaha illallah. Avec connaissance, avec savoir, et avec confirmation et avec œuvre. Et la deuxième, c'est le fait d'avoir accompli Muhammad et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science, avec connaissance, avec soumission et obéissance à ce messager alayhi salam. Et les vertus de la ilaha illallah sont nombreuses. Il est certain que l'imam Ibn Rajab rahimahullah a cité dans une risala qu'il a réservée à la ilaha illallah, qu'il a intitulé la parole de la sincérité. La ilaha illallah a beaucoup de vertus et sa place est très importante. Celui qui l'a dite véridiquement, Allah il le fait rentrer au paradis. Celui qui l'a dite au montant, il préserve sa vie dans ce bas monde. Il préserve sa fortune dans ce bas monde. Et dans le delà, il subira ce qu'il doit subir chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a le jugement et la sentence des hypocrites. Et cette parole, cette noble parole, il a beaucoup de vertus. Que Ibn Rajab et d'autres ont cité. Parmi les vertus de la ilaha illallah, et la plus chère, c'est que c'est le prix du paradis. C'est le prix du paradis. Celui dont la dernière parole il a, ilaha illallah rentrera au paradis. Il sauve du feu de l'enfer. Et la ilaha illallah ramène le pardon. Et c'est la meilleure des hasanat. Il efface les péchés. Il traverse les voies jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la parole que celui qui l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala le prend comme véridique. Et c'est la plus belle parole, la plus noble parole, la plus honorable parole qu'ont dit tous les prophètes. Et c'est la meilleure des invocations. Et c'est la plus noble des œuvres. Et qui se double beaucoup. Et il est l'équivalent du fait de libérer des esclaves. Comme ce qui nous a été remporté dans, quand tu dis la ilaha illallah wahda wa la sharika la, dans les invocations du matin et du soir. Et il protège du shaitan. Et c'est une sécurité pour être, pour avoir l'apaisement, des événements de la résurrection. Et c'est l'emblème des croyants quand ils se lèvent, quand ils sortiront de leur tombe. Et fait partie de ces vertus, c'est que celui qui l'a dite, Il lui ouvre les 8 portes du paradis, il rentre par lequel il veut. Et fait partie de ses vertus, ceux qui l'ont dit véridiquement, qui sont morts, monothéistes, même si ils sont châtiés au fond de l'enfer par leur négligence et d'avoir négligé certains droits de la ilaha illallah, ils vont ressortir du feu de l'enfer. Et il a beaucoup de vertus. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper et qu'il faut la comprendre. Et qu'il faut la mettre en application, ses obligations à l'islam. Hein, pour être sauvé dans ce bas monde et dans le delà et avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et shahadat anna Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول الشيخ مقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit حفظه الله تعالى dans la continuité de ce premier cours et l'attestation Muhammad et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique de le prendre comme véridique dans ce qu'il nous a annoncé et de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné, et de s'éloigner et d'éviter tout ce qui nous a interdit, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne doit être adoré qu'avec ce qu'il a légiféré. Dans le fait que le fait de dire j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala implique le fait d'annoncer, de prendre comme véridique ce qu'il nous a annoncé, ça veut dire prendre. Ça fait partie des obligations de l'attestation Muhammad et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala de prendre comme véridique tout ce qu'il nous a annoncé parmi ce qui s'est passé avant nous, ce qui est arrivé au peuple de Nuh, au Had, il y a toutes les communautés avant, et ce qui attend les mécréants dans le delà, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux croyants dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala fait voir à son messager alayhi salam certaines choses du paradis et de l'enfer. Il nous a annoncé certaines choses. Il faut les prendre comme véridiques. Il faut prendre comme véridique tout ce qu'il nous a annoncé, qui lui est venu du ciel comme révélation. Même si nos raisons ne le captent pas, il faut le prendre comme véridique. Rentre dans tout ce que nous a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il a annoncé que cette communauté se divisera en 73 groupes et qu'il n'y a qu'un groupe qui sera sauvé. Le fait que les croyants, le jour de la résurrection, et ils verront leur souverain Azzawajal, ils seront comblés de ce bienfait. Et que la mort va être égorgée en forme de mouton sur le pont Sirat. Et c'est obligatoire et nous ne devons rien rejeter de tout ça. Y croire parce qu'il l'a annoncé. Il est celui qui nous dit que la vérité, il ne parle pas de ses propres passions comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est obligatoire pour nous de prendre comme véridique tout ce qu'il nous a annoncé. Allez, salatu salam. Hein? Et on atteste avec cette attestation qu'il a reçu le message. Et qu'il est le messager d'Allah, Azzawajal, et que c'est un serviteur d'Allah et son messager. Et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré avec le message et avec la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le plus noble des prophètes alayhi salam des messagers. Il est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le plus noble de la descendance d'Adam. Il est le premier qui va intercéder. Il est le premier auquel sera acceptée l'intercession. Il est le premier sur lequel s'ouvrira la tombe, c'est le premier qui sortira de la tombe. Il est le premier qui rentrera au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce messager alayhi salatu salam comme annonciateur et comme un avertisseur, appelant vers Allah subhanahu wa ta'ala et avec l'ordre d'Allah. Il l'a envoyé comme lumière. Il n'y a aucun bien. Tous les biens. Toute chose qui est bien pour l'humanité, il a orienté la communauté vers ce bien. Et tout ce qui va lui faire du mal dans ce moment et dans ce monde-là, il a averti cette communauté, alayhi salatu wassalam. Et le fait de lui obéir à l'islam, dans ce qu'il a ordonné, c'est-à-dire qu'il lui obéit dans tout ce qui est dans tes capacités. Car il a dit, alayhi salatu wassalam, ce que je vous ordonne, faites ce que vous pouvez. Donc nous devons lui obéir et le suivre. Il est dit dans le verset de Sourate Al-Hajr, verset 7, verset 8, ce que le Rasoul vous a ordonné, prenez. Il a dit, alayhi salatu wassalam, ce que je vous ordonne, prenez, mettez en application ce que vous pouvez. Donc il est obligatoire aux musulmans de se soumettre à l'ordre du messager, alayhi salatu wassalam. Car il est dit dans Sourate Al-Anfal, verset 24, « Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. » Car dans ce verset 24, dans Sourate Al-Anfal, il est dit « Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager quand il vous appelle vers ce qui va faire votre vie. » Ils sont vivants. Mais la réelle vie, et la bonne vie, et le summum de la vie, et le fait dans le fait de répondre et de se soumettre à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Il lisait la biographie d'une plusieurs d'Allah alayhim. Et alors peut-être les nobles compagnons, vous allez voir les plus nobles et les sublimes exemples et les nobles exemples qu'ont donné ces nobles compagnons dans le fait de répondre aux ordres d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Contre la Qibla a changé, quand la direction de la prière a été changée par Allah subhanahu wa ta'ala, de Jérusalem vers, hein, vers la Mecque. Il est dans certaines mosquées à Médine, quand ils l'ont entendu, ils étaient dans la prière, ils sont tournés directement. Regardez ce noble exemple. La personne est passée, il leur a dit, la Qibla a changé. Et la Qibla, c'est la direction de la Mecque. Dans la prière, le premier, lui-même qui était devant, s'est retrouvé à la place de derrière. Et la dernière rang s'est retrouvé à la place de l'imam. Pour pouvoir changer complètement, ils ont tourné. Obéissance aveugle à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et suivi comme il se doit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était dans la prière, et que Jibril alayhi salatu wa sallam, il est venu le voir. Il lui a dit, tu as des saletés et des impuretés sur tes chaussures. Il les a enlevées. Quand les compagnons ont vu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont enlevé aussi. Et quand il a terminé la prière, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit, ah Rasoulallah, on t'avait enlevé tes chaussures, on les a enlevées. Ainsi ils étaient, radhiyallahu anhum. Qu'on compare notre situation à la leur, ikhwat al-islam. Et l'obéissance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ramène la guidée. Et dans Sourate Nour, verset 54, si vous lui obéissez, vous allez être dans la guidée. Et celui qui obéit au messager, alayhi salatu wassalam, il aura la réussite et le grand gain dans le delà. Innama kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. Dans Sourate An-Nur, verset 51-52, il est dit, certes, la parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et vers son messager pour qu'ils jugent entre eux, ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. Ceux-là, ce sont les gagnants. Ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi. Et celui qui obéit à Allah et au messager, qui craint Allah et qui préserve les droits d'Allah, ceux-là, ce sont les gagnants, les grands gagnants. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Et tu veux être avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, ben il faut que tu sois parmi ceux qui obéissent à Allah et à son messager alayhi salatu salam. Et il est dit dans le verset dans Sourate Nisa, verset 69, celui qui oublie Allah et au messager, ceux-là seront parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, qui est bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Et de l'autre côté, celui qui est en divergence avec les ordres de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qui donne le dos, et qui ne répond pas à l'appel du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'avertit d'un avertissement énorme, d'un châtiment énorme. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il est dit dans le verset, qu'il les fasse très attention ceux qui divergent de l'un de ces hommes, qu'il ne leur arrive pas le fitna, ou qu'ils ne subissent pas l'énorme châtiment. On a posé la question à l'imam Ahmed sur la fitna. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici dans cette sourate? Il a dit, c'est l'associationnisme. Il ne cesse de rejeter la parole du messager alayhi salam jusqu'à tomber dans l'associationnisme. Et le fait de s'éloigner ici, il n'a pas dit, ne faites pas ce qui est interdit. Il a dit s'éloigner, car le terme jinab, c'est s'éloigner. C'est beaucoup plus fort que ne faites pas. Il faut que tu t'éloignes de ce qu'a interdit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et que tu t'éloignes aussi des moyens qui vont t'amener à transgresser les lois d'Allah et à transgresser ce que t'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'éloignes de la situation de l'acte et des moyens qui vont amener vers l'acte. Et il a dit, allez, ça, Suzanne, ce que je vous interdis, abstenez-vous. Regardez ici. Tout à l'heure, il a dit ce que je vous ordonne, faites ce que vous pouvez. Parce que dans la mise en application, on n'est pas égaux. Chacun a il peut faire qu'il y les 11 rak'at, l'autre il ne peut faire que début de la nuit, 3 ou 4 ou 5 rak'at, et ainsi de suite. Hada il peut jeûner 3 mois lunaires, 3 mois de pleine lune, l'autre il peut jeûner tous les lundis, tous les jeudis de l'année. Hada il peut jeûner le jeûne du Daoud. Chacun a des capacités. Mais quand il est venu à l'interdiction, il a dit vous devez vous abstenir. Ça veut dire que devant l'interdiction, on doit tous s'arrêter. Pas, je peux pas. Et dans le verset, il est dit, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Est-ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous. Et dans l'autre version du hadith du prophète alayhi salam, وَمَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا. Ce que je vous interdis, évitez-le. C'est-à-dire, éloignez-vous. Et ça veut dire qu'il faut s'éloigner aussi des moyens qui vont le faire tomber dans ce que a interdit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est obligatoire pour le musulman de s'éloigner de tout ce qu'a interdit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et de toutes les choses duquel il découle un avertissement d'Allah et de son messager alayhi wa sallam. Car il y a la fitna et le mal dedans. Il faut le délaisser, il faut s'en éloigner. Et les nobles compagnons de Radwanullah alayhim nous ont donné les meilleurs des exemples dans le fait de délaisser tout ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. Quand est arrivée l'interdiction de l'alcool, ils ont dit tous, nous avons terminé, on s'arrête. On s'arrête, c'est fini. Certains avaient les verres dans la main, ils l'ont jeté. Certains, les verres étaient posés par terre, autres, ils ne l'ont plus relevé. Et les jarres d'alcool et de vin ont été coulés. Il y avait des ruisseaux qui coulaient dans les ruelles de Médine. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. Et contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une bataille, leur a interdit la chair des ânes domestiques, alors qu'ils l'ont égorgé, qu'ils le faisaient cuire. Ils ont tout jeté, ils ont lavé les ustensiles. Soumission totale et suivi. Soumission totale à Allah et un suivi à la perfection au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a ordonné à l'homme, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a arraché la bague d'or qu'avait l'homme dans sa main, parce que l'or est interdit aux hommes, et qu'il l'a jeté par terre, une fois que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est parti, les compagnons ont dit à ce compagnon, prends ta bague, il va prendre, prends bénéfice de cette bague. Il a dit, je n'ai pas à prendre quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a jeté, il m'a enlevé, ça y est. Et oui, ainsi ils étaient dans la soumission et dans le suivi, ainsi ils étaient dans tout ce qu'il leur a interdit. Ils le délaissaient, ridwanullahi alayhim. Sans poser de questions, pourquoi, comment, je ne peux pas. Il faut attendre, mais il y a ça, il y a cela. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et ainsi de suite, que tu entends. Et Allah ne doit être adoré qu'avec ce qu'il a légiféré. Et ce que son messager a légiféré. Et ça, c'est une réplique aux innovateurs. Comme quoi tout acte qui n'est pas dans la législation de Mohammed a.s. et la législation d'Allah, ce n'est pas un acte accepté min Allah azza wa jal. Et là, c'est une des conditions pour l'acceptation des actes chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des conditions pour que l'acte soit accepté, c'est le fait que cet acte, il soit dans le suivi de Mohammed a.s. Il faut qu'il soit dans la sunna, sinon il ne peut pas être accepté, il ne sera pas une bonne œuvre. Et comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas d'autre ordre, il lui sera rejeté dans une autre œuvre. Hada qui met en application. Hein? Une œuvre qui n'est pas dans les ordres du prophète alayhi wa sallam et dans la religion de Mohammed alayhi wa sallam, mais lui sera rejeté. Dans l'autre version, celui qui innove dans notre religion quelque chose qui ne fait pas partie de sa religion, il lui sera rejeté. Hein? Hada, il met en œuvre, il lui sera rejeté. L'autre, il a innové, il lui sera rejeté. Toutes les innovations sont rejetées. Allah, il ne les accepte pas. Il n'y a pas de bonne innovation et mauvaise. Toutes les innovations sont mauvaises. Il n'y a pas de bonne innovation. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans une communauté, dans la première génération de l'islam qui n'allait pas innover, ridwanullah alayhi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur disait, et faites attention aux nouveautés, car toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un égarement. Et bien sûr, ceci concerne les innovations et les nouveautés dans la religion. Car les innovations détruisent la religion et la pureté de la religion. Et les innovations font mourir la sunna. Et c'est l'innovation, c'est le fait de suivre Shaitan et de désobéir au clément. Et les gens de l'innovation chez Shaitan qui leur embellit leur œuvre. Et comme disent certains noms de sciences, les innovateurs et les prêcheurs de l'innovation ne sont pas accomplis dans le repentir, n'arrivent pas à repentir. Anas radiallahu anhu arda, dans le hadith authentique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis un voile entre hada sahib al bid'a et le repentir. Donc il est obligatoire aux musulmans de se cramponner à la sunna de son messager alayhi salam et de délaisser les innovations dans la religion. Et comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda, suivez et n'innovez pas. Suivez et n'innovez pas. Hein? Suivez et n'innovez pas. Sahar al-Islam. Hein? Et fait partie des conditions de la ilaha illallah. Fait partie des conditions de Muhammad Rasulullah. Premièrement, reconnaître son message et y croire dans son cœur. Hein? Reconnaître le message de Mohammed alayhi salam et d'y croire véridiquement dans son cœur. Deuxièmement, fait de le prononcer, de dire j'atteste que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah. Avec ta langue, tu crois dans le cœur, tu prononces aussi. Troisième condition, c'est de suivre et de mettre en application ce qu'il a transmis comme vérité et délaisser tout le faux qui nous a interdit. Quatrièmement, c'est de prendre comme véridique ce qu'il nous a annoncé parmi les choses de l'invisible, ce qui est passé, ce qui va advenir dans le futur. Cinquièmement, de l'aimer plus que toi-même, plus que ta femme, tes enfants, ta fortune et tout ce monde et ce qu'il contient. Sixièmement, c'est de mettre sa parole en avant. Aucune parole de qui que ce soit ne doit devancer la parole du messager alayhi salatu wassalam. Et aussi de mettre en application sa sunna alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, cette attestation de foi qui est composée de deux attestations, hein, il faut l'accomplir dans notre vie. Et en résumé, c'est la sincérité et le suivi. Accomplir la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour cela, il faut qu'il soit dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est ce que nous disons tout le temps. Et c'est la condition pour que nos actes soient agréés. Et c'est la condition pour pouvoir mériter le paradis chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la condition pour mériter l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, cette attestation de foi, il y a des choses qui l'annulent. Et Cheikh al-Islam Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah, ainsi que d'autres hommes de science ont cité 10 parmi les 10 les plus dangereux points qui annulent l'attestation de foi. Sinon, il y en a beaucoup. Mais pour mémoriser les plus importantes, Cheikh Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah, et d'autres hommes de science ont cité ces 10. Premièrement, l'associationnisme, faire un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration. Car il est dit dans le verset, dans Surat al-Ma'ida, verset 82, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Il est dit dans ce verset, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis, et sa demeure sera le feu de l'enfer, et les injustes n'auront pas d'alliés. Il fait partie de l'associationnisme le fait de demander aux morts, le fait de chercher secours auprès des morts, le fait de faire des vœux et de leur faire des promesses comme quoi on va immoler pour eux et égorger pour eux. Et le fait que quelqu'un prend comme intermédiaire des personnes ou des morts, qu'il prend comme intermédiaire entre eux et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur demande des choses, et il leur demande l'intercession pour lui, et il leur fait confiance. Hein? Tout ceci fait partie de la mécréance qui sort de l'islam. Et celui qui n'auront pas mécréant, les associateurs qui doutent sur leur mécréance, ou qui dit que leur voix et leur religion est bonne, la même chose, ça fait partie des annulations de l'attestation de foi. Et celui qui croit que la guidée d'autres comme Mohammed alayhi salatu wassalam est plus complète et plus parfaite, ou que le jugement d'autres comme Mohammed alayhi salatu wassalam est mieux et les plus perfectionnés, comme ceux qui préfèrent le jugement des Tawarit qui jugent avec autre que les lois d'Allah. Et le fait de détester quelque chose qu'a ramené le messager alayhi salatu wassalam, même s'il l'a mis en application, ça fait partie des annulations. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dans Surat Muhammad verset 9, hein, il est dit, ils ont détesté ce qui est descendu sur Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala a annulé leurs œuvres. Celui qui se moque de quelque chose de la religion qu'a transmis ce messager alayhi salatu wassalam, ou qui se moque de la récompense, hein, qui va être donnée aux croyants, ou qui se moque du châtiment qui est décrété pour les mécréants, قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Il est dit dans le verset de Sourate Tauba, verset 65-66, dites, Vous moquez d'Allah et de ses versets, de son messager. Ne cherchez pas d'excuses. Ne vous excusez pas. Vous avez mécru après votre foi. Et si on pardonne à une partie parmi vous, nous allons châtier une autre partie, car ils étaient des criminels. Et aussi la sorcellerie, celui qui accomplit la sorcellerie ou qui l'agrée, il tombe, il annule aussi la ilaha illallah. Car il est dit dans le verset, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Verset 102 dans surat al-Baqara. Car il est dit, ils n'apprennent rien à personne avant de lui avoir dit, nous sommes une fitna, ne m'y crois pas. Aussi le fait d'aider les mécréants sur les associateurs et de faire triompher les mécréants sur les musulmans plutôt. Et de vouloir que les musulmans, les associateurs et les mécréants triomphent sur les musulmans. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 51, le Maïd à la table. Celui qui s'allie à eux et qui veut qu'ils triomphent ici, qui veut qu'ils triomphent sur les associateurs, sur les musulmans, que ces mécréants triomphent sur les musulmans, ben il sera parmi eux. Il fait partie d'eux. Et celui qui croit que certaines personnes peuvent sortir de la législation du messager alayhi salam, ça fait partie des annulations. Personne n'a le droit de sortir de la législation. Tout le monde doit être soumis à la législation, sinon il est dans la mécréance. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui cherche autre que l'islam, qu'autre chose que l'islam comme religion, ne sera pas accepté de lui. Surat Imran, verset 85. Et aussi, il fait partie des annulations, le fait de se détourner de la religion d'Allah et de ne pas prendre la religion d'Allah, de ne pas la mettre en application. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Et dans Sajda, verset 22, qui est plus injuste que celui à qui on rappelle les versets de son souverain, ils s'en détournent. Nous allons nous venger des criminels. Et il n'y a pas de différence entre eux, celui qui tombe dans l'une des annulations, pas sérieusement, ou celui qui s'amuse, ou celui qui a peur. Et le musulman doit faire très attention. Il doit faire très attention à ces annulations de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons revenir à ceci en détail avec l'explication de son éminence Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala wa Matta'abe. Nous allons revenir avec détail sur cela, Inch'Allah. Et nous allons arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.